Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Un cocktail fatal de glace, avec un soupçon de venin. Un défi colossal pour nos héros en noir. On va attaquer une nouvelle partie au niveau des podcasts. On va attaquer une partie pour faire plaisir. Donc une partie qui s'appelle « Transmettez-moi vos nanars ». C'est-à-dire que si vous avez des idées sur des films, des nanars, etc., vous pouvez nous transmettre des idées, on les regardera et on verra à quel point ils ont été nanars ou pas. Et pour illustrer un petit peu ce qu'on voudrait faire, on va justement attaquer une pastille sur un film nanar qui a fait pourtant beaucoup d'entrées, qui a eu un gros budget, le film « Batman et Robin ». Donc le Batman de Joel Schumacher qui est sorti en 1997. Alors le premier sur l'affiche qui apparaît, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est pas l'acteur qui interprète Batman. Hein. Là, on retrouve George Clooney, donc le héros d'urgence. What else? On a Chris O'Donnell qui revient dans le rôle de Robin. Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy. Michael Jougue qui revient dans Alfred. D'ailleurs, c'est un acteur récurrent des quatre films parce qu'on l'a vu depuis dans les films de Burton. Et là, il est revenu pour dans Forever et dans celui-là. Et on a aussi Alicia Silverstone qui joue donc Batgirl, qui est dans le film, qui est la nièce d'Alfred et non pas la nièce du commissaire Gordon. Alors moi j'aurais dit Barbara Gordon était la fille du commissaire Gordon dans les comics. Je veux dire le résultat est le même parce que c'est plutôt, on n'est plus vraiment dans la mythologie quoi. Ah non, là voilà, le réalisateur a pris la mythologie Batman, s'est torché avec et nous a sorti un film. Alors je vais revenir sur quelques anecdotes parce qu'il faut savoir quand même que par exemple je vais revenir sur le fait que Val Kilmer a refusé de revenir pour ce film. Il a préféré Le Saint qui est un film qui est aussi un nanar dans son genre. On a par exemple Patrick Stewart a failli incarner Victor Freeze. Donc est-ce que ça aurait collé? Ça c'est moins sûr parce que je vois pas Patrick Stewart cabotiner comme Schwarzenegger l'a fait. Et on a aussi Demi Moore qui aurait pu incarner aussi Poison Ivy. Voilà un peu pour les petites anecdotes. On sait aussi que le film a eu un cuisant échec. Il faut quand même rappeler que le film a été budgété entre 125 et 140 millions de dollars. Donc la Warner a mis du bif. Il y avait un cinquième épisode de prévu qui s'appelait Batman Unchained où justement il y avait déjà l'épouvantail qui était prévu au générique, et le retour du Joker sous des formes hallucinatoires et Harley Quinn aussi qui était prévu au casting, mais finalement ça a complètement gelé, on va dire, pour rester dans la thématique, gelé les ardeurs, je veux dire, de la Warner Bros. Et il a fallu attendre 2005 pour avoir Batman Begins, donc un Batman qui revient un petit peu à un Batman plus traditionnel, un peu plus sombre et puis surtout plus sérieux quoi. Moi, je vais juste rebondir au niveau des personnages qui auraient pu, enfin des acteurs qui auraient pu incarner les personnages. Ouais, là, on voit Freeze, Schwarzenegger. Moi, je vois pas Patrick Stewart faire les mêmes cabrioles. Patrick Stewart, c'est quand même des rôles très sérieux comme le capitaine Picard de Star Trek ou le professeur Xavier de X-Men. Donc, alors voilà, donc quelqu'un, et qui fait sérieux sur lui-même aussi. Hein. Très, très. Autant Schwarzenegger, il fait pas très sérieux, même dans Expendables, un film récent, il se prend pas au sérieux. Là, dans Batman et Robin, non seulement il se prend pas au sérieux, mais en plus, il fait pas sérieux non plus. Hein. Si tu veux bien, on va essayer de faire ça par ordre chronologique, ce film, et puis de décortiquer un petit peu les scènes marquantes, parce qu'on va pas tout faire le film fait quand même 2 heures. Ce qu'on peut dire, c'est que dès le départ, c'est kitsch. Alors dès le départ, on nous montre les tétons bien moulés du costume de Batman et il y a un gros zoom sur le cul de Batman. Donc les pantalons bien moulants, on va dire. Voilà, déjà, je pense que là, vous pouvez vous lever de votre siège et aller voir un autre film, hein, vous aurez encore le temps. Mais déjà là, ça annonce que la production nous prend pour des imbéciles ou quelque chose de mieux. Ou alors, ça change complètement de ton. Enfin, ils ont voulu tenter quelque chose, mais on n'a pas trop compris. Déjà, rien qu'à ce passage-là, j'ai dit, tiens, où ils veulent en venir? Moi en fait je pense que ça a lancé quand même déjà le fait que c'est un pastiche de la série des années 60. Ça c'est, on est dans le flashy, on est dans les costumes ridicules, pantalon moulant je disais, déjà dès le départ il y a une référence à Superman, je sais pas si tu te souviens ce qu'il dit. Il dit Robin est un petit peu capricieux comme mec, il veut sa Batmobile, il veut son Bat-signal, son Robin signal entre guillemets, et il dit Batman il fait pourquoi Superman bosse seul quoi. Donc le ton est lancé pour moi dès le départ quoi. Ouais, puis c'est même au niveau des décors, on se demande où on est quoi. C'est du Jean-Pierre Jeunet, c'est du Tim Burton, ouais, puis ça fait vraiment cartoon déjà rien qu'au début quoi. Si on lance quand même, parce qu'après il y a tout l'espèce de la scène d'intro qui dure quand même 20 minutes, hein, la première scène d'action. Il y a Schwarzenegger qui essaie de récupérer. Moi je vais l'appeler Schwarty parce que moi Freeze. Schwarzy qui essaie de récupérer un gros diamant justement pour parce que lui son but c'est de soigner sa femme qui est dans le coma en ce moment. Là, on le sait pas dans les 20 premières minutes, hein. Ouais, on Il le n'a sait pas pas, mais vraiment de but. bon, mais Mais ça fait là par contre c'est un lancement à la Batman, hein. C'est-à-dire ouais. que le méchant arrive sans crier gare, Batman arrive pour sauver la situation. Voilà, la situation est me paraît pas capillotractée à ce niveau-là. C'est juste la mise en scène qui nous annonce clairement dans quel genre de film on va arriver. On avait déjà cette scène dans le Batman Forever. Je me souviens que quand Double Face prend en otage, par exemple, le gardien du coffre-fort, avec le coffre-fort, avec l'acide qui monte de plus en plus, cette scène a été assez réussie. Mais là, moi, je pense que là, on a une scène d'action, mais qui est complètement, on va dire, décomplexée, exacerbée au possible, avec Batman arrive, il se présente. Après, il y a toute une espèce de bataille de vannes, je dirais, entre Batman et Freeze. Oui, toi t'as le sang-froid, moi toi t'es givré. Oui, mais toi tu dois garder ton sang-froid. Enfin, sur la thématique de la glace, quoi. Freeze, t'es givré. Tu sais garder ton sang-froid, Batman. C'est complètement exubérant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bon, en fait, ça fait très cartoon. Ouais, c'est On ça. a l'impression de regarder un Tex Avery ou un Hanna-Barbera. On n'a pas l'impression de regarder un film DC, quoi. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien. Il y a ce problème-là, puis bon, là, ce n'est pas trop mal. Il y a une espèce de partie de hockey aussi. Moi, je trouve que c'est pas trop mal filmé. C'est assez dynamique à ce niveau-là. Fabien Ducoubet, est-ce que je suis en train de bouillir sur mon siège? Mais non, non, c'est pas dynamique, Non, c'est. mais je troll un peu, c'est sûr. Non, C'est. mais non, mais là, t'as mordu là, parce que Non, j'ai voulu non, troller là. Non, je suis sûr Non, qu'il a mais cru, tu te souviens que c'est quand même la pastille nanar, quoi, donc il faut moi. troller, quoi. Non, non, enfin, une scène d'action où je cherche encore l'action, par exemple. Voilà, cette partie de hockey où ils ont qu'à claquer des pieds, il y a des lames qui sortent de leurs chaussures C'est pour ça. faire du patin. Les armes qui se collent au décor, qui tombent bien pratiquement dans les bras des commanditaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont filmé là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est. On voit bien les câbles hein, quand les mecs tombent. Ah ben ouais, mais même quand Ouais. il bouge quoi, Ouais. enfin, c'est un cartoon, c'est pas possible, c'est un cartoon. Ah oui, ça aurait bien collé à une espèce de dessin animé. Et comme je te dis, on est bien dans l'esprit de la série des années 60. C'est des vannes, c'est des situations qui sont ridicules, qui s'amoncellent. C'est des vilains qui cabotinent à mort. Pour l'instant, on parle que de Schwarzenegger. Mais on va parler un petit peu après de Poison Ivy et de Ben. On a déjà une première approche. Même quand ils font du surf dans l'air, quoi, t'y crois pas, quoi. Bah, tout le film, t'y crois pas, donc c'est Ouais. compliqué. Mais c'est ça, ce film est incroyable. Mais Ouais. incroyable dans le sens, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire et je comprends pas. Ils ont voulu être avant-gardistes ou. Bah, j'ai pas compris le film. Hein. Moi, j'ai pas compris Bah. où ils voulaient en venir. Déjà, Batman Forever, je comprenais pas forcément où ils voulaient en venir. C'est-à-dire que ça devenait cabotinage avec Jim Carrey, etc. Mais alors là, c'était le summum. Moi, j'ai eu l'impression de regarder Tortue Ninja 3 hein, quand j'ai vu ce Batman-là. Hein. Moi, j'ai pas eu Tortue Ninja 3, donc je pourrais pas faire de comparaison, mais moi j'ai bien compris l'esprit potache du truc, quoi. Il faut faire un gros hommage à la série des années 60. Ça c'est Schumacher qui l'a voulu, parce que dans le Batman Forever, on avait encore un petit peu cette dimension un peu sombre du personnage. Il y avait, c'est-à-dire que Val Kilmer, lui, il sortait pas des vannes tous les 5 minutes. Là, c'est vrai que ça fait vraiment. Puis il y a un problème de ton dans ce film, parce que t'as des séquences où il est en costume et il se bat contre les vilains dans les parties où dans le manoir ou dans le Batcave, les conversations elles sont un peu plus sérieuses, je dirais. Parce que t'as quand même des. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc positif, un petit truc positif, c'est quand même la relation entre Bruce et Alfred. C'est-à-dire qu'on a quand même ce truc-là qui marque un peu la filiation. Même si c'est minime, ces petites minutes avec Alfred, je trouvais qu'on avait jamais eu ça dans les précédents. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette relation majordome, maître. Et là, c'est plus le lien un peu filiation. Ils auraient dû justement développer ça, mais c'est aussi un peu négligé, quoi. C'est ça le problème. Que c'est négligé, c'est que ça sonne faux dans le film. Oui. On a un film nanardesque au possible, et ils essayent de nous toucher une larme avec une relation entre George Clooney et Alfred. Oh pardon, entre Batman et Alfred. Et on n'y croit pas. Moi, j'y crois pas une seconde à ce truc-là. Je me suis dit, tiens, ils avaient besoin de combler un peu le scénario. C'est tout ce que je me suis dit Ah dans ce ouais. truc. Et après, voilà. Puis Alfred, sa maladie, on la voit arriver de loin. Bon, parce que voilà. Puis sa guérison aussi. De toute façon, on la voit arriver de Ouais, loin la aussi. guérison, c'est clair. De toute façon, on va vous spoiler à mort là-dessus, hein, parce qu'on suppose que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, Ah, quand même, bah, 97. achetez le DVD, hein, j'ai des actions chez Warner. J'ai des réactions chez DC. Non, cette relation avec Alfred, en plus, George Clooney prend toute l'attention de la caméra avec des placements, etc. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a plus gêné qu'autre chose, moi, tous ces trucs-là. Bah, moi, c'est la seule scène que je retiendrai du film, quoi. C'est. Alors moi, ma scène préférée du film, c'est le générique de fin. J'étais très content qu'il arrive. Sinon, tout le film, je me suis demandé ce que je regardais. Et je me suis demandé si on me prenait pour un enfant de 5 ans ou pour un adulte qui avait payé sa place pour aller voir. Non, je pense que c'est aussi le fait que Warner voulait aussi vendre beaucoup de produits dérivés. Parce que t'as beaucoup de gadgets, t'as la Batmobile qui ressemble plus à rien d'ailleurs dans ce film-là. Je trouvais que dans le 3, elle avait encore une forme. Là, on irait une espèce de dragster avec plein d'ailes de chauve-souris dessus. Ça fait moche. Ouais, une boule disco à l'avant. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ça fait vraiment discothèque. Ouais, ça fait vraiment accessoire de discothèque. Bon, maintenant, on va peut-être passer aux autres personnages parce que bon, il y a Schwarzenegger, certes, qui cabotine à mort. Mais les autres, ils sont dans le surjeu, ils sont quand même assez forts, quoi. Et je pense à Uma Thurman, quoi. Bah, Uma Thurman, ouais, joue la scientifique névrosée et après la femme fatale pulpeuse, bah, elle le joue mal. Bah, je comprends pas parce que bon, Uma Thurman dans Kill Bill, j'y crois à fond, mais alors là, dans Batman, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces acteurs? Alors, je veux bien que c'est à cause de la direction artistique, hein, c'est pas potentiellement Uma Thurman que j'accuse, quoique, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce surjeu? Et puis, je suis une femme fatale et avant, c'est je suis une scientifique et je surprends mon collègue que je sais qui est en train de faire des trucs et je me casse pas en courant, mais non, mais. Regarde, ouais, ça c'est débile. Ouais, elle se fait passer pour moche au début. Puis après, on voit que c'est. Bon, Uma Thurman, c'est quand même une belle femme. Avec cette espèce de costume un peu kitsch, je dirais. Et à sortir des vannes et avec des trucs vachement explicites aussi, hein, faut le dire. Hein, et à dresser, je veux dire. Parce que c'est quand même. Son but, c'est de dresser Batman et contre Robin, finalement. Et moi, au niveau d'Uma Thurman, c'est qu'elle joue la quiche au début, la femme fatale, justement. Avec Catwoman, ça passait super bien. Ouais, ça c'est bien par contre. Voilà. Je sais pas s'ils ont voulu faire la même chose, sauf qu'avec Catwoman. Non, c'est Michelle Pfeiffer. Avec Michelle Pfeiffer, on y croyait à fond, quoi. Ouais. Le jeu, il était bien. La direction artistique qui avait été prise était bien. Là, Uma Thurman, même en pouf, elle est pas crédible, pour te dire. Non, c'est clair que bon, avec ces bestioles un peu bizarres, un peu caoutchouc, il y a une espèce d'énorme fleur qui s'ouvre à la fin. Là. Mais c'est un super Sentai en fait. C'est ringard quoi, on est limite. C'est ringard. Quoi. C'est ringard et nanar. Ouais. Tout le jeu est comme ça jusqu'au bout et puis. Puis plein de couleurs partout, rose. Ouais, voilà, girly quoi. Voilà, ouais, je suis Poison Ivy, je suis une femme, c'est girly. Ouais. Je suis Freeze, je suis un gros mâle, c'est tout bleu parce que je vis dans la glace. Je suis Batman, c'est tout noir parce que je suis Batman. J'avais même pas capté quand j'avais revu. Non, puis bon, je suis Robin et puis je suis un gros branleur quoi parce que excuse-moi l'expression, mais je préfère Chris O'Donnell dans le Batman Forever que dans celui-là quoi. Là-dedans, il y a agaçant possible quoi. Après voilà, c'est la direction artistique qui est agaçante aussi. Hein. Tout le film est agaçant, donc on va finir par leur pardonner d'être agaçant parce que tout le film est agaçant. Je crois qu'ils suivent un peu le scénario, c'est un petit peu obligé. Il y a du surjeu partout, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du surjeu chez Ben? Parce que le mec qui grogne avec son masque, bon, Ben c'est quand même un personnage autrement plus fin que dans le comics. Normalement, Bane, déjà Bane, hein, pas Ben. Ouais, Bane, ouais. Ben dans le film, hein, je te l'accorde, mais normalement c'est Bane. C'est quand même un cerveau, hein, le mec, hein. C'est pas qu'un tas de muscles. Ouais, bah, d'ailleurs, on le voit dans le Dark Knight Rises, quand il est joué par Tom Hardy. Là, c'est une espèce de catcheur qui reprend le rôle. Mais même dans les OAV de Batman, hein, je veux dire, ça a jamais été la grosse brute qui est là pour péter les trucs. Hein. C'est toujours quelqu'un qui a une stratégie derrière, qui a une vision à long terme, et pas le gros bebeu injecté au venin de serpent et puis qui est. Bane! Ouais, une espèce de truc Venom, le sérum Venom, là. Tout d'un coup, il se met à gonfler, et puis tout d'un coup, ils ont juste à enlever les tuyaux pour qu'il se dégonfle, quoi. Ça fait baudruche, quoi. Ça fait tu vois, il y a un mec qui se dégonfle tout d'un coup. C'est complètement débile, quoi. C'est un truc de ressort de cartoon, quoi. Bah voilà, moi j'ai eu l'impression de regarder un cartoon tourné en live, et pourtant les live action des mangas sont mieux tournés que ça. J'ai pas compris où ils voulaient en venir, parce que là, je pense qu'ils ont détruit la licence, hein, tout simplement. Hein. Il a fallu attendre que Nolan reprenne un peu les rênes, et puis qu'il l'adapte au goût du jour, ou alors c'était plus au goût du jour de sa sortie, 98. Donc on va parler de Batgirl. Je sais pas si tu te souviens de cette scène où elle doit craquer justement le CD d'Alfred. Alors elle tape tous les mots, puis elle voit le portrait de sa mère, et puis elle tape, et puis elle dit bah ça va alors, tranquille quoi, c'est compliqué de craquer un CD alors qu'il y a des trucs ultra top secret, tu quand même, il y a tous les plans des bat machins et des costumes et tout ce que tu veux quoi. Bah moi j'ai trouvé ça encore pire, c'est une aqueuse, on est d'accord. Ouais. Tu connais beaucoup d'aqueuses qui tapent à deux doigts avec deux lettres à la minute. Ben non, mais bon, ça c'est, ça on va dire c'est l'expert informatique qui parle. Tic tic tic. Putain, t'as beaucoup bien. Franchement, comme mot de passe, putain. Non, mais c'était le prétexte pour voilà Alfred qui passe le relais à sa nièce parce qu'il a confiance. Mais après, tout le scénario est tellement pourri que ce genre de détails, j'arrive même pas à m'y attacher. Quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est parce que j'avais noté cette scène et je trouvais que il y avait rien qui relevait là, qu'il y avait aucun détail qui relevait l'autre, quoi. Ouais, puis Alfred, c'est un pervers, hein, il connaît toutes les mensurations de sa de sa nièce quand même. Ouais, parce en plus, que... c'est vrai. Il arrive à lui faire un costume sur mesure. Ouais, sur mesure, bien moulant aussi. et puis la nièce, elle est plus forte que Robin, hein, quand tu regardes bien. Bah, elle bouge aussi mal, hein, au niveau d'actrice que George Clooney, qui est pas fait pour les films d'action. Mais ouais, elle se bat avec Poison Ivy, de mémoire. Ouais. Pendant que les deux, un en train de se noyer, un en train de tronçonner qu'elle a une plante, là. Ouais, ça fait vachement Deus Ex Machina. Je viens sauver la situation. Ouais. Ouais, non, ils ont voulu un peu faire la mythologie, mais ça marche pas du tout. Et puis elle s'arrête quand même près de 30 secondes pour faire une phrase à Poison Ivy. Blablabla, les femmes, machin, truc. Les vannes, ouais. Bah, c'est la vanne, hein, c'est le réflexe de la vanne, hein, dans ce film-là. S'il y a pas de vanne, bah ça marche pas, quoi. Ah, bah même avec les vannes, ça marche pas. Moi, j'étais un peu jeune quand j'ai vu ce film. Je devais avoir une vingtaine d'années, je crois. Ouais, pas loin, plus de 20 ans. Il y avait quelques vannes que j'avais rigolé quand même. Mais aujourd'hui, je rigole plus, quoi. C'est pas pareil. C'est vrai que quand même, dans les Batman qu'on a eu, c'est quand même le plus mauvais pour moi. Ouais, je le mettrais peut-être pas à égalité avec Forever, mais enfin, ça commençait déjà à dégénérer à Forever. Mmh. Enfin, faut dire Jim Carrey niveau cabotinage, c'est sa marque de fabrique. Ouais, c'est ça. Parce que Schwarzenegger en cabotinage, dans Jumeaux, il y en a quand même fait. Après, vous voyez comme là, dans Expandables, il continue à cabotiner. Sauf que là, c'était crédible. Là, en Freeze, non, c'est pas crédible. C'est encore son image d'acteur d'action qui est là-dedans finalement. C'est pas vraiment un acteur, c'est pas vraiment un rôle qui Victor Freeze, c'est pas non plus un flingueur quoi dans ce genre. C'est un savant aussi Victor Freeze. Après voilà, on dit les acteurs cabotinent et les figurants aussi, c'est ça le pire. Ceux oui, qui aussi. Jouent le commissaire Gordon. Ah oui, c'est bah lui voilà. C'est même ceux qui jouent les flics quoi, ils servent à rien là-dedans, c'est... Non, mais bon, de toute façon, il y a quand même des scènes qui font... je sais pas où il partit le budget, mais des fois t'as l'impression que les arrière-plans ils sont bidons quoi. Bah, ça fait carton-pâte quand il perd son flingue Freeze et que tu vois le truc qui vient se coller à un décor, là ça fait toc aussi. Quand il donne un coup de pied dans le décor et que le truc lui tombe dans les bras, ça fait toc aussi. C'est un film qui fait vraiment toc jusqu'au bout. Même quand ils font leur scène d'action, là, on les voit complètement qui sont tirés par des câbles, ils sont droits comme des piquets. tu parles dans le musée. Je parle partout en fait là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On aurait l'impression de voir Clark Kent en train de s'envoler, quoi. C'est... Il y a des références à Superman parce qu'on est à Disney, mais elles sont pas fines du tout. Hein. Ah non, là, non, mais les scènes. Je vais pas dire d'action, c'est pas vraiment de l'action. Ouais, mais c'est vrai qu'on se demande où sont ces 120 millions, où ils sont passés. Là, j'arrive pas à le dire. Ce plan débile de congeler tout Gotham, c'est complètement con, je veux dire. Ah bah même la façon dont ils résolvent le problème, c'est complètement con. C'est débile aussi, mais... Et puis on a oublié aussi, surtout, la scène culte du film. Vas-y, répète. Ah non, je vais t'attendre. Ah, tu t'en souviens plus. Parce que pour moi, elles sont toutes cultes, à part la Batcard, mais sinon... Bah, c'est la Batcard, justement. Mais ça, c'est du placement de produit, mais bien comme il faut, ouais, quoi. C'est une scène culte du film. Mastercard, on le voit au moins 5 secondes. Hein. Ouais, mais bon, c'est devenu la scène culte du film, ça. C'est celle qui symbolise le plus le côté nanar du film. Ben, 6 millions. Alors 7 millions. Je ne m'envole jamais sans elle. Je ne sors pas sans elle. Et je te mets 6 millions et je te mets 3 millions et ceci et cela. Et tu me les prêteras. Mais qu'est-ce que c'est débile cette scène. Eh oui, c'est quand ils font l'enchère avec Poison Ivy qui les a envoûtés avec ses phéromones. Voilà, vachement subtil comme scénario. Et l'autre Robin qui se laisse aller. Il se laisse mais complètement à part comme un gamin. Ouais, de toute façon, comme si que Bruce Wayne, il peut pas avoir de compagne. Hein. Déjà, il y a une compagne. Bon, on la voit 2 minutes aussi à l'écran. Ah oui, c'est Madame Potefleur, elle sert à rien. Ouais, ouais, elle est vraiment, franchement. Dans le 3 c'était Nicole Kidman, dans le premier c'était Kim Basinger, dans le deuxième c'était Michelle Pfeiffer d'ailleurs. Ce qui était quand même la plus intéressante hein, des trois, on va dire. Hein. Ouais, parce que là, le love interest, il sert à rien. Ah ouais, là, c'est vraiment de la figuration. Hein. Ouais, donc, comme tu dis, les actrices sont un peu... sont très figurantes là-dedans. Hein. Un peu ? Non, sont très... Ouais, à part Uma Thurman qui cabotine, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion de ce film-là ? C'est qu'il est quand même dominé par le cabotinage des acteurs, le surjeu, les situations qui sont ridicules, un aspect technique, que ce soit costume, véhicule ou même décor, qui il faut quand même assez kitsch, voire ringarde, je vais dire. Bah, moi, ce que je veux surtout dire, c'est... D'accord, c'est un nanar. Mais le problème, C'est qu'il n'est pas prévu pour être un nanar. Non, à la base, non. Parce qu'on vous fera des petites pastilles sur des nanars qui sont prévus pour être des nanars, qui sont assumés comme des nanars. Là, c'était quand même un film qui se prenait au sérieux, avec un gros budget. On ne sait pas où il est passé. Il faudra aller un petit peu fouiller dans les comptes bancaires des producteurs. Des acteurs, pourtant, bon, George Clooney, on peut en penser ce qu'on veut. Schwarzenegger, Uma Thurman, ouais, c'est quand même des grands noms, quoi. Ouais. Même à l'époque, hein. Bon, même si George Clooney sortait de Urgence, hein, il était pas encore. Là, il débutait quand même. Ouais, il était pas encore bankable comme maintenant. Mais voilà, c'est quand même des grands noms. Un film qui est pas prévu pour être un nanar et qui en est un quand même. Et le résultat, il est purement catastrophique. C'est une catastrophe et ça a tué la licence. Temporairement, on va dire. Bah, ça a tué la licence. Burton avait bien lancé le truc, hein, faut dire ce qu'il faut. Même les cabotinages de celui qui joue dans le pingouin. Daniel Vito. Ouais, même les cabotinages de Vito étaient beaucoup plus crédibles et beaucoup plus marrants que les blagues sur la taille de l'engin à Schwarzenegger. Ouais, aussi. Voilà. La pelouse de Matterman. La pelouse du Matterman. Ouais. Le pire, c'est qu'on vous troll pas, là. C'est les vrais dialogues. Ouais, hein. C'est du. Bien fertiliser ma pelouse. Oh, je suis en chaleur. Partages-tu cette flamme qui me consume? Permets-moi de rester une glace. C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. J'ai envie de couper le blé en herbe. Ma pelouse est dans tous ses états. C'est du. Bien fertiliser ma pelouse. C'est texto, quoi. Sors ça maintenant en 2018, t'as toutes les associations féministes sous le dos, hein. En plus. Ah, l'image de la femme là-dedans, bonjour. Hein. Ah ouais, l'image, mais alors le Love Interest de Batman, c'est potiche. Posant une avis, c'est une cruche. Ouais. Bah, même façon, les mecs, hein, y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, hein. Ils sont pas. Batman, c'est un tocard. Robin pense avec sa bite. Batgirl est une craqueuse qui capte un mot à la minute. Ouais, ok, d'accord. Mais il y a que Alfred qui m'a touché, moi, dans ce film. Ouais, ouais, c'est vraiment le seul acteur qui joue bien là-dedans. Bah, c'est le seul qui cabotine pas, d'ailleurs. Non, c'est clair. Et puis, il reste droit dans ses bottes. Il continue comme dans les trois autres, quoi. C'est ça, le... Voilà. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire mourir Alfred. Ça aurait été une belle mort. Ah, peut-être que ça aurait été un peu plus dramatique, ouais. Ouais, mais bon. Mais on l'a vu arriver de loin avec l'histoire de... Ah bah oui. Avec l'histoire de sa femme qui était congelée, là. Bah oui, oui, y a pas de souci. Ouais. Là, moi, je me suis dit, soit Freeze meurt, pas de bol, j'avais quand même une hésitation. J'ai dit, soit Batman va dire, vas-y, je te paye tout ce qu'il faut pour refaire tes expériences, et voilà. Bon, ouais, voilà, on pouvait pas se tromper là-dessus. Alors, un film quand même surprenant, dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'on s'attend à voir un Batman, et puis, bah, on a un Batman des années 60. Ouais, pour ceux qui aiment bien le kitsch et le ringard, c'est parfait pour regarder. Ouais, bah ouais, parce que si on rappelle un petit peu aussi Batman des années 60, c'est le requin bidon qui mord la jambe de Bruce Wayne, c'est la course de la bombe qui est devenue aussi culte sur YouTube. C'est tout ce qui touche l'eau explose, le requin touche l'eau, il explose, le mannequin touche l'eau, il explose. Et c'est le cabotinage aussi des acteurs là-dedans. Le cabotinage des acteurs. Le Joker, le pingouin, l'homme mystère. Encore une fois, c'était pas la même époque, les années 60, les super-héros, ça n'avait pas la cote, donc ils étaient obligés de faire un truc comique et familial. Là, je suis pas sûr que ce film... voici, il est carrément familial, ce film. Ah vous pouvez le voir avec des enfants. S'ils sont défoncés à l'acide, ils pourront rire. Acide, ça trouve un peu sévère, mais bon. Mais je veux dire que c'est un support pour vendre des figurines, tout simplement. Bah, c'est vrai que ça fait très jouer. Hein. Ouais. La moto de Robin fait très jouer. La moto de Batman fait très jouer. Bah, tout, en fait. Hein. Ouais. Il y a que Poison Ivy qui a pas de jouets à vendre. Il y a pas de... Ouais, s'il y a une espèce de plante en plastique. Là, ouais, le sextoy Poison Ivy. Le truc SM avec des branches Poison Ivy. Pour Mister Freeze, qu'est-ce que tu vendrais? Ouais, le pistolet, c'est vrai qu'il fait, il fait vraiment jouer de, tu sais, Hasbro. Ah oui, oui, autant les pistolets dans Men in Black font jouer, mais c'était plutôt la référence qui voulait ça. Ouais. Là, autant les pistolets dans Batman et Robin. Ah, il me semble que c'est le même profil, hein, les pistolets de. Bon, c'est quasiment des copier-coller. En plus, c'est la Warner, je crois, donc. Ils ont certainement recyclé ça, mais une bague est sortie. Bon, arrêtez d'embaucher le designer, hein, les mecs, hein, ça commence à se voir. Ah, ils sont toujours les mêmes. Moi, j'avoue que ces deux heures, ils sont quand même assez pénibles à regarder. Bah, moi, je les ai regardés jusqu'au bout. Fabien a triché, a sauté quelques scènes. Ah, j'ai sauté quelques scènes, ouais. Moi, je les ai regardés jusqu'au bout et je vous jure qu'il y a des trucs dont je me souvenais pas, ou j'aurais peut-être préféré oublier. Mais même encore maintenant, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, c'est la question qu'on se pose. Et quand tu m'as proposé, j'ai dit, ouais, ça rentre complètement dans le style nanar qu'on veut faire. Et puis, pour inaugurer, c'est un très bon film, on va dire. C'est même le prototype idéal, je dirais, entre les Spawn et les Superman 4 et les Maîtres de l'Univers. Et voilà. Et même aussi un autre film de Schwarzenegger, c'est Conan le Destructeur qui est un bon nanar aussi. Voilà, au niveau nanar, on a de quoi faire. Ouais. Après, Voilà, quand on va prendre Spawn, etc., on aura des subtilités à apporter. On va pas vous spoiler tout de suite, on va plutôt vous faire une bonne séance. Mais c'est vrai que là, ce film-là avait tout, c'est-à-dire le budget, les acteurs, le réalisateur, enfin tout, pour marcher, pour être bien, pour sortir du lot. Là, ils ont voulu sortir du lot, mais c'est raté. C'est nanardesque au possible. Le champion des nanars. Un petit mot sur le réalisateur, c'était Joel Schumacher. Bon, il a fait deux films que moi j'aime bien, c'est Chute libre avec Michael Douglas et Tigerland avec Colin Farrell. Alors c'est deux films que je recommande chaudement, et c'est complètement différent de ce navet qu'on a pu voir. Après voilà, à voir si Schumacher, c'est plutôt Warner qui lui a dit attention, vend des jouets, faut intégrer ces éléments. Bon, on n'en sera jamais, hein, je pense que c'est des choses qui doivent rester entre eux. Voilà, donc Batman et Robin, un film nanar au possible. Pour conclure, t'as une petite conclusion. Je crois que je vais jeter un froid. Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace. Non, ben voilà, un film glacial au niveau des effets spéciaux, ouais. Un film qui essaye d'être plantureux sans pour autant arracher les racines. Je vous le conseille pas. Ouais. Bon, très bien, très belle conclusion. Moi, comme j'ai dit, bon, c'est le nanar, le prototype du nanar. Il y a l'aspect aussi parodique que de Batman des années 60. Il y avait une volonté de faire une parodie avec beaucoup de pognon. À l'arrivée, le film a échoué, on comprend pourquoi. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu de Batman. C'est un peu même phénomène que Superman. Presque après Superman 4, il a fallu attendre Superman Returns pour avoir un film au cinéma. Donc pour cette première pastille nanar, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, on continuera sur les pastilles nanars, il n'y a pas de souci. Si vous avez des propositions, faites-les nous, on verra un peu si on peut supporter la vision, vos nanars. Mais voilà, il y a matière à faire et il y a toujours des explications à apporter, donc faut pas hésiter. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À la prochaine.